Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui avec grand bonheur Eric Marchal. Bonjour Eric. Bonjour Sarah. Nous sommes ravis de vous recevoir dans les radios de Fadjet. Nous allons parler essentiellement de votre carrière d'écrivain et un peu plus dans le détail donc de votre dernier triptyque, Le Soleil Suivant, oui. Tome 1, Les Filles du Cœur. Donc, cette émission se décompose comme d'habitude de 5 grandes questions qui est dédiée à l'auteur du jour. Et puis après, on fera un petit caprice de la semaine pour vous faire découvrir de nouveaux genres littéraires. Eric, est-ce que vous êtes prêt ? Tout à fait. Tout à fait prêt. Alors, on commence avec la première question. Vous avez écrit une dizaine de romans qui sont inspirés de périodes, on va dire, historiques très différentes. L'Italie du XVIIIe siècle, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut en conclure que vous êtes un passionné d'histoire ou que vous aimez jouer peut-être un petit peu avec les différentes périodes historiques de notre histoire ? Alors, les deux, parce qu'en fait, à la fois l'histoire peut être et passionnante, oui. Mais surtout, en fait, ce qui m'intéresse dans l'histoire, ce sont les histoires. D'accord. Et je suis tombé dans le roman historique presque par hasard. Mon premier roman se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une sorte de thriller. Mm-hmm. Et finalement, j'ai trouvé que ça rajoutait une sorte de dimension supplémentaire au contexte. D'accord. Que de ne pas être dans notre propre période. D'accord. Et en plus, moi, j'apprenais énormément de choses. Et du coup, ça n'a pas changé. À chaque fois que j'écris un roman historique, à peu près la moitié de mon temps se décompose en recherche. Mm-hmm. Recherche bibliographique, recherche sur le contexte, le lieu, la période, etc. Et j'apprends énormément de choses et ça me plaît énormément. D'accord. Ok, en plus parce qu'on voyage par l'histoire et on voyage dans l'histoire, du coup. C'est ça. Exactement. Ok. Alors, vous avez effectué, en faisant quelques recherches, j'ai pu voir que vous avez effectué des études de pharmacie à l'Université de Lorraine au début des années 80, suivie d'une thèse. Alors, moi, ça m'étonne beaucoup. Je me dis, mais comment on devient écrivain avec un tel parcours scientifique ? Oui, c'est vrai qu'après pharmacie, Nancy, j'ai fait une thèse de recherche. Tout en haut sur le plateau de Brabois à la faculté de médecine. D'accord. C'était quoi le sujet de la thèse ? Alors le sujet de la thèse, c'était des méthodes de mesure qu'on appelait dosage immunonéphélométrique. Okay. Donc ça ne va pas parler à grand monde, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, ce qui a été très intéressant aussi dans ce processus de thèse et de recherche, mm-hmm. c'est que ça m'a vraiment appris une certaine rigueur dans la documentation que j'utilise encore maintenant pour mes romans. D'accord, vous avez gardé cette façon de penser et de structurer en fait votre travail. C'est une façon de penser et de structurer aussi, c'est une façon de travailler. C'est-à-dire que l'information, aujourd'hui, on a énormément d'informations sur ce qui s'est passé dans les siècles précédents parce qu'on a beaucoup d'archives qui sont numérisées. D'accord. Notamment sur le site de la BNF, la Bibliothèque Nationale, le site qui s'appelle Gallica. Mm-hmm. Sur Gallica, vous trouvez plusieurs millions d'articles. Et donc, si vous mettez des mots-clés trop larges, vous pouvez très, très vite noyer sous le flot d'informations. D'accord. Qui va vous arriver. Donc, ça faut savoir peu, trier l'information. Comme aujourd'hui. Un Google, quelque part. Ah, complètement. Si vous mettez qu'un seul mot, il vous sort tous c'est les ça. Résultats possibles. Donc, il faut savoir trier l'information, recouper les informations aussi, avoir différentes sources. Donc, d'accord. C'est vraiment un travail d'enquête, un peu comme on fait un travail d'enquête quand on fait une thèse. Ok. Surtout dans le milieu scientifique, du coup. Et dans le milieu scientifique. Mais dans tous les milieux, je pense qu'il y a des principes fondamentaux qui sont les mêmes, quel que soit le domaine. On va faire une coupure musicale et on retrouve Eric Marchal juste après. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture avec Éric Marchal, qui va nous présenter le titre qui vient d'être diffusé. Oui, c'était Fisher Island Sound du groupe Beyrouth. Ok, c'est une belle découverte. Alors, revenons donc à votre histoire et à votre parcours d'écrivain avec notre troisième question. Comme on l'a dit au début, donc, votre nouveau livre qui fait partie du triptyque Le Soleil Suivant, tome 1, Les Filles du Cœur. Alors, pourquoi ce titre, Le Soleil Suivant ? Ah, mais parce qu'en fait, ce triptyque reprend certains des personnages du Soleil sous la soie que j'ai écrit okay. il y a 10 ans. Mm-hmm. Et on les retrouve justement 10 ans après. D'accord. Et petit à petit, on retrouvera d'autres personnages hein, au fur et à mesure des tomes. On retrouvera d'autres personnages du Soleil sous la soie. D'accord. Et donc, c'est aussi un clin d'œil, finalement, le Soleil suivant. Hein, c'est une sorte de passage de témoin d'un chirurgien à un autre. D'accord. Et c'est aussi un clin d'œil au Soleil sous la soie. Ok. Parce que c'est vrai que dans vos livres, on a... Alors, il y a de l'art, il y a de l'histoire, il y a de la chirurgie. Vous êtes assez... Et tout ça, ça se mélange, en fait. Enfin, c'est une vraie intrigue pluridisciplinaire, en fait. Bah, en fait, j'aime bien aussi changer de domaine. J'aime bien changer de période, quand je passe d'un roman à un autre. Mm-hmm. Et puis, j'aime bien changer de lieu. Ça, dans le triptyque, vous allez le découvrir aussi, puisque 3 romans et 3 lieux différents, oui. 3 capitales différentes. Et j'aime vraiment beaucoup varier aussi les plaisirs, parce que, encore une fois, moi, je découvre, j'apprends énormément. J'ai été dans le domaine des ingénieurs avec Là où rêvent les étoiles, par oui. exemple. Beaucoup aussi dans la médecine et les chirurgiens, je le reconnais. Oui. C'est un domaine que je connais un peu, puisque j'ai travaillé dans la santé. Mm-hmm. Et du coup, je m'y sens assez à l'aise, notamment quand je lis les archives. D'accord. Et puis le domaine artistique. Dans le tome 1 du Soleil suivant qui se passe à Venise, on est dans une institution avec un orchestre de jeunes filles. Okay. Et un maître d'orchestre qui est un musicien qui deviendra après très très connu. D'accord. Alors vos romans sont toujours très documentés. Les personnages sont bien construits et bien positionnés dans leur contexte historique. Quels sont vos secrets de fabrication ? Alors, tout à l'heure, on en a eu un petit aperçu. Vous avez parlé de Gallica, la BNF, etc. Comment vous faites pour choisir, vous dire, bon, bah, ok, là, pour celui-là, ou pour ce triptyque, je vais choisir telle période, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement précises. Et quelquefois, il arrive dans les romans qu'on ait plutôt un pan... C'est plutôt l'histoire qui est valorisée, parce qu'on sent qu'il y a eu de la recherche, au lieu des personnages, ou l'inverse. Et là, en fait, les deux sont bien ensemble. Comment vous fabriquez, en fait, ça pour que ce soit aussi complet quelque part. En général, je pars de la thématique quand même. Je pars de l'histoire elle-même et du début de l'intrigue. D'accord. À laquelle je pense. Et puis après, j'imagine plus ou moins la fin. Et en fait, entre les deux points, eh bien, j'allais dire, c'est libre à moi au fur et à mesure de l'écriture de le construire. Parce que j'ai remarqué que de toute façon, si je structurais très précisément mon histoire avant de commencer à écrire, de toute façon, je ne suis pas du tout ce chemin. Okay. Donc maintenant que j'ai un peu plus de recul et d'expérience, je me fais confiance. Ouais. Et en fait, je démarre et puis les idées viennent, les personnages parfois arrivent, repartent. Certains que je ne comptais pas garder deviennent des personnages principaux. Les choses se font naturellement, les personnages parfois s'imposent à l'histoire, s'imposent à moi. C'est pas toujours facile à expliquer ou à exprimer, très impressionnant, mais c'est comme ça que ça parce fonctionne que chez moi. Quand on est lecteur, on imagine, alors voilà, ok, l'écrivain, donc en l'occurrence par exemple vous, vous avez choisi un contexte et puis on imagine que vous avez déjà, vous savez, comme un plan de travail en fait, que vous avez déjà prédéfini ce qui va se passer avec les personnages, tout ça, et en fait là vous nous dites, ben... En fait, non, les personnages, bah, j'avais peut-être prévu qu'ils partent, en fait, ils restent ou ils évoluent autrement. Oui. C'est comme si vous-même, vous étiez un peu pris dans l'intrigue. C'est ça, je suis en même temps lecteur. Je suis l'auteur oui. et le lecteur de l'histoire. Et elle se crée, elle se construit au fur et à mesure. Okay. Ce qui aussi, pour moi, est plus intéressant parce qu'il y a plein de surprises. Puis il y a une totale liberté. Il y a une totale liberté. Alors au début, j'étais un peu plus craintif. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je vais dans cette direction ? Ouais. Puis finalement, maintenant, je me fais beaucoup plus confiance. Je me laisse aller, j'y vais. Et puis finalement, l'histoire se construit bien. Parce qu'il faut aussi quand même qu'elle reste, qu'il y ait toujours une logique interne à cette histoire. Et que la conclusion de l'intrigue soit crédible. Ouais. On ne peut pas partir dans une direction et puis faire quelque chose de complètement onirique. Ouais. Donc maintenant, je me fais bien confiance. Je me laisse, entre guillemets, aller les soirs quand j'écris. Et puis quand un personnage s'impose à moi, quand il décide de faire quelque chose que je n'avais pas forcément prévu, ben je continue. Et puis je le suis. Quitte à faire des coupes peut-être par la suite. Ça arrive, mais vraiment rarement, en général. Ça... Après, quand je relis l'ensemble, ça fonctionne bien. Et... Ça me laisse rêveuse, parce que vous vous lancez, vous connaissez votre période, et allons-y. Quoi. Enfin, je fais un peu de bibliographie, enfin quelques mois de bibliographie avant de commencer. Mais une fois que j'écris, quasiment chaque soir, je retourne quand même sur Internet, Google, Gallica, pour vérifier des choses toutes bêtes, surtout de la vie quotidienne des personnages. D'accord. Parce que, encore une fois, je ne suis pas historien, donc je n'ai pas forcément l'assise et la connaissance globale d'une période et de tout ce qui est aussi géopolitique, parce que je voudrais éviter de faire dire en tout cas à mes personnages ou de leur faire de grosses bêtises qui ne pourraient pas être possibles. Okay. Donc à chaque fois, j'y retourne, je vérifie, et au moins tous les soirs, au moins une heure que je passe à nouveau sur Internet pour vérifier un peu tout. Okay. Et éviter aussi d'utiliser des mots qui n'existaient pas à l'époque. Ça, c'est un point important. Donc, du coup, vous êtes obligé de vous remettre dans le contexte historique, enfin, de la langue française. Oui, puis je travaille avec des dictionnaires de l'époque. Vous en avez certains que vous trouvez sur Internet, d'accord, qui datent du 18e, et même des plus anciens d'ailleurs. Et à ce moment-là, je vérifie. Mais des choses toutes bêtes, comme le mot stopper. Le mot stopper n'existait évidemment pas, c'était arrêté. Oui. Mais on ne stoppait pas un carrosse. On l'arrêtait. Et on l'arrêtait. Et le mot stopper n'est arrivé que plus tard. Donc ce mot-là, je l'ai banni. Mais c'est vrai que parfois, il faut que je me relise et que je revérifie. Parce qu'il y a plein de mots dont on a l'impression qu'ils sont tellement communs, qu'ils ont toujours existé. Et en fait, pas du tout. Et ce n'est pas forcément le cas. D'accord. Oui. Ah, c'est très, très surprenant. On va faire une deuxième coupure musicale. Eric, je vous laisse la présenter. Oui, coupure. Alors là, ce sera Sting. Le titre, c'est For Her Love, et c'est une dédicace spéciale pour Isabelle. D'accord, donc Sting pour Isabelle. À tout de suite. What would a man not do? What would a man not say? What would a man not agree to? What would he not betray? Where would a man fear to trespass? Where would a man not stray? What crime would a man not admit to? What price would a man not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. He'll spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, he'll find some meaning in a streetlight. What would a man not consent to? What would a man not face? What would a man not agree to? What lies would a man not embrace? He'll find a job, he'll work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. He'll save his money, buy a place to call their own. And he will be the one she loves. Ah, the stretch of my fingers, by the strength in my hands, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface of Mars. what I might not do. What would a man not say? For love. Caprice de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire. De retour pour cette troisième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence d'Éric Marchal. Alors Éric, j'ai une dernière question pour vous, que nos auditeurs sont impatients de savoir. Est-ce qu'un tome 2 du Soleil suivant est-il en cours de création? Et si oui, quand aurons-nous la chance de le découvrir? Ah oui, je vous le confirme, puisque en fait l'idée c'était de faire un triptyque, oui. Qui soit une sorte de feuilleton. J'étais d'accord. Vraiment partie de l'idée un peu des feuilletonniers du 18e, du 19e, notamment de Dumas. Et mon idée, c'était de faire un tome de ce roman chaque année. D'accord. Donc, Les Filles du Cœur est paru l'année dernière, avant l'été. Le tome 2 paraîtra... Alors, il paraîtra malheureusement un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a d'accord. beaucoup de travail. Donc, ouais. il paraîtra à la rentrée, en septembre. Okay. Et le tome 3 paraîtra l'année suivante. D'accord, donc à la rentrée littéraire, du coup. Un rythme qui permette quand même de garder... Qu'on ne soit pas obligé de revenir sur le tome 1. Ouais, voilà. Okay. D'accord. Les questions pour Éric sont terminées. Je vais en poser une petite dernière. D'habitude, on fait un lieu insolite, alors une librairie, une bibliothèque. Et puis, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de découvrir les habitudes de lecture d'Éric Marchal. Alors, quels sont les endroits où vous lisez? Est-ce que vous avez des endroits de prédilection? Ou est-ce que vous êtes un lecteur compulsif, donc vous lisez partout, tout le temps et n'importe quand? Comment ça se passe pour vous, l'exercice de la lecture? Alors, bon, indépendamment de ces deux dernières années, j'avais des habitudes de lecture qui étaient justement une absence d'habitude, parce que j'avais toujours un livre dans mon sac et je lisais dès qu'il y avait un peu de temps. Ça mm-hmm. pouvait être dehors s'il faisait beau, ça pouvait être beaucoup dans les trains aussi. Oui. Je lisais beaucoup dans le train et après chez moi, je lis à n'importe quel endroit de la maison. D'accord. Donc, mon habitude, c'est que je n'en ai pas. Mais vous lisez dès que vous avez un peu de temps, en fait, c'est ça. J'essaye surtout, alors j'ai pas beaucoup de temps dans la journée, ouais. mais j'essaye surtout de lire le soir. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours le livre de secours pour les endroits où on a de l'attente. Au cas où. Voilà. On va faire une dernière pause musicale. Éric, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est? Oui, c'est le duo Ladislava et le titre éponyme qui s'appelle Ladislava. Alors on y va pour Ladislava. Ladislava est hôtesse d'accueil dans un bistrot appelé la Marjolaine. Un vieux comptoir au centre d'Argenteuil, elle qui nous vient du sud de la Bohème. On parle d'elle jusqu'à Saint-Denis, du calme de ses seins aux courbes de ses hanches. On la visite du lundi au samedi, mais malheureusement c'est fermé le dimanche. Quand elle demande avec un accent slave: bonsoir monsieur, que désirez-vous boire? Moi comme un con, charmé par sa voix grave, je lui réponds avec un brin d'espoir: Prunes d'ami, vi piva plossi. Prunes d'ami, vi piva plossi. Prunes d'ami, vi piva plossi. Prunes d'ami, vi piva plossi. Elle eut fini son service, je l'attendis debout en plein hiver, les mains tremblantes, mon regard sur ses cuisses. Elle accepta de venir boire un verre. Bras dessus, bras dessous, nous partîmes dans la nuit, refaire le monde autour d'un rouge amer, noyer l'ennui dans un blanc de pays, et pour finir s'enivrer à la bière. Lorsqu'au matin je vins à m'éveiller, Bratislava dans mes bras engourdis. Demande-moi tout, tout je te l'offrirai. Dans un sourire, la belle répondit. Prinestami, dve piva prosim. Prinestami, dve piva prosim. Prinestami, dve piva prosim. Prinestami, dve piva prosim. Horizons, à une vie où l'argent fait la gloire, un quotidien sans client ni patron, mais sans un sou on accepte les pourboires. Dans la rive sale de la Marjolaine, Ladislava repense à son pays, au bassin d'Elbe, au mont de Bohême, aux Précarpates et à la Moravie. Si elle retourne un jour dans les Sudètes, loin d'Argenteuil et du blanc de pays, je n'oublierai ses formes si parfaites, ni sa voix grave quand Ladislava dit. Prinestami, dve piva prosim. Prinestami, dve piva prosim. Prinestami, dve piva prosim. Prinestami, dve piva prosim. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette dernière partie d'émission, toujours en compagnie d'Éric Marchal, qui va nous faire part de son caprice de la semaine. Éric, c'est à vous. Alors, ce n'est pas un roman récent, okay. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai découvert ses romans il y a peut-être une dizaine d'années, un petit peu moins, qui s'appelle Robert Goulrich. Ok. C'est un Américain. Et un de ses romans vraiment que je préfère, s'appelle Arrive un vagabond, pardon. D'accord. Arrive un vagabond. Rien que le titre, d'ailleurs, est très beau. Il a un rythme qui est très singulier. Et Robert Goulrich, il est très, très fort, à la fois sur le fond et sur la forme. Il a une écriture que j'aime vraiment beaucoup. Et même s'il annonce dès le début ce qui se passe à la fin, on est pris dans un tourbillon et on ne peut pas s'empêcher de... On ne peut pas réussir à décrocher de son écriture. D'accord. Et ses autres livres sont pareils. Une femme simple et honnête, par exemple, qui était son tout premier, est aussi un très beau livre. C'est quoi un petit peu l'histoire de Arrive un vagabond ? Juste un petit peu qu'on sache. C'est l'histoire d'une femme qui a été mariée très jeune et pas heureuse. Et puis arrive un homme avec une valise dans un village ou une petite ville. Donc le vagabond. Ce fameux vagabond, okay, qui va devenir boucher, qui va travailler très dur, très bien. Et puis il va tomber amoureux de cette femme. Mm-hmm. Et il va commencer à lui acheter toutes les terres qui sont aux alentours de ce village. Pour, d'accord, que tout soit pour elle, il va en faire sa reine. Et alors personne ne sait d'où vient son argent, parce qu'il est arrivé avec cette valise et plein d'argent dedans. Et petit à petit, il devient une sorte de... Est-il une menace ? Est-il au contraire un sauveur pour cette femme ? On ne sait pas. C'est là tout le suspense, en fait. Pas que. Je pense que l'enjeu est aussi ailleurs. Et encore une fois, l'écriture fait la différence. Ok. Édition Anne Carrière ? C'est aussi aux éditions Anne Carrière. C'est grâce à eux que j'ai connu Robert Goulrich. D'accord. Donc à retenir, d'ailleurs j'irai le lire très bientôt, du coup ça m'intéresse. Merci Éric de nous avoir accordé du temps. Non, merci à vous pour cette émission. Invité. Donc je rappelle le titre de votre dernier roman, Le soleil suivant, tome 1, Les filles du cœur, aux éditions Anne Carrière. Vous retrouverez cette émission sur le site de fadjet.net et sur le site internet capricedelecture.fr. À très bientôt, au revoir Éric. Au revoir.